À l'occasion du jour de la victoire dans la guerre de libération de la patrie, le vice-président de l'Association générale des Coréens en Chine et le porte-parole de la filiale à Hailin de la société de Mudanjin ont publié les communications. Ils ont souligné que les espoirs pour la victoire dans la guerre et l'histoire de la direction de la révolution de Sun Gun des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il continuent par l'histoire de la victoire éternelle de la Corée de Sun Gun grâce au maréchal Kim Jong-un.